question. Qu'est-ce que ça nous dit dans la Bible? Circoncis et incirconcis. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot circoncision, c'était une circoncision dans la chair. Et les incirconcis, c'est ceux qui n'étaient pas circoncis dans leur chair. Donc, vous savez, c'est quoi un homme circoncis? Donc, et dans le Nouveau Testament, c'est la différence entre les circoncis, c'était des juifs, les incirconcis, c'était des non-juifs. Donc, nous, là, si on était vécu dans le temps de Jésus, même si on avait été circoncis dans la chair, il nous aurait appelé des incirconcis pareils. Les incirconcis, c'est des gens qui n'étaient pas des juifs dans le temps de Jésus, dans le temps des Actes des Apôtres, surtout, c'était dans ce temps-là. Ensuite, le terme dans les Épîtres, du mot incirconcis, est venu à vouloir signifier les chrétiens et les non-chrétiens. Et souvent, le mot incirconcis veut dire non-croyant. Les circoncis du cœur, c'est les croyants. Donc, Paul dit la circoncision qui est importante, c'est celle du cœur. Puis donc, ça veut dire que le circoncis du cœur, c'est celui qui est un enfant de Dieu, qui fait partie du peuple de Dieu. L'incirconcis dans le cœur ne fait pas partie du peuple de Dieu. Dans le temps où ce que Dieu avait demandé à Abraham de circoncire Isaac, de circoncire tous les morts de son peuple, la circoncision marquait l'appartenance au peuple juif. Et aujourd'hui, on dit que la circoncision du cœur démontre qu'on a l'appartenance au peuple de Dieu spirituellement parlant. Donc, les circoncis et les incirconcis, c'est juifs et non-juifs. Ou chrétiens et non-chrétiens, si on parle du côté spirituel. OK? Ça t'a répondu, Denise, à ta question? Ici, la circoncision n'est rien à l'incirconcision. N'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était. Parce que la circoncision ou l'incirconcision n'est rien. Ça veut dire que si tu es un juif ou un non-juif, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que tu fasses à la volonté de Dieu. Parce que dans l'Église, à ce moment-là, il y avait beaucoup de discussions par rapport avec les Juifs et les non-Juifs. Il y avait un débat, là. Les Juifs essayaient d'emmener les non-Juifs à se faire circoncire dans la chair. Puis Paul, il dit, c'est pas important, ça, que tu sois circoncis ou non-circoncis. Que tu sois Juif ou grec, c'est pas important. C'est ça qu'il va dire, ailleurs, dans Galates, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. L'important, c'est d'être un chrétien. C'est pas ça qu'il fait. Fait que l'état que tu as dans ta chair, ce qui dit tout à fait, restez dans l'état de ce que vous êtes. T'es un circoncis, t'es correct. T'es pas un circoncis, c'est correct. Pourvu que tu sois un croyant. C'est ce qui est important. Donc, d'où est-ce que tu viens dans ton arrière-plan, c'est pas important. C'est d'être un croyant aujourd'hui qui est important. OK?